Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Angie Durocher gratte un de ses coups de cœur avec son index. Jasmine Raymond Révin nous parle de l'âge de l'UQTR. Et on discute d'obésité dans la chronique de Maxime Bilodeau. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 10 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Salut, François-Olivier. Salut, Mathieu Plante. Cela va? Ça va bien, toi? Oui, il fait noir matin. Fait noir matin, la terre a tremblé hier. C'est vrai, j'ai... Hier ou ce matin, là, je sais pas exactement vers quelle heure, minuit et quelques... Faudrait aller voir sur Facebook l'agglomération des commentaires sur la terre qui tremble. Hein. Ça sert à ça en 2012, hein. C'est tout le monde, là, c'est même pratique, sur Facebook là. Quand la terre tremble, t'sais. C'est con parce que tu sais, si tu l'as pas senti comme moi, en fait, je dormais et je dors dur, donc en fait, oublie ça. Là, pareillement. Il y a rien qui va me réveiller. Bref, c'est passé. c'est quand même une chose assez rare. Ben, là, c'est ici. Ça l'affaire. C'est ça, sur Facebook, c'est si tu le savais pas, ben ça te dérange pas même parce que tu l'as pas senti. Puis non, si tu ça. Le sais, ben tu le sais déjà, fait que t'as pas besoin de te le faire dire. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Bravo. Bravo, Facebook, on aime ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission, François, on va avoir quelques bonnes petites affaires à se mettre sous la dent. Un peu comme un muffin, canneberge et... C'est quoi? Canneberge et orange. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Ouais. Ouais. Ouais. C'est pas un muffin? Ben, c'est un genre de muffin. ben, c'est nouveau, en fait. C'est un petit biscuit un muffin tendre pour le petit déjeuner. Oui, c'est un muffin aplati. Mais j'aime ça. C'est comme, tu sais, dans un épisode de Seinfeld, dans les années 90, Elaine avait inventé les... Je me rappelle plus comment ça s'appelait, les muffin tops. C'était vraiment des... Juste les dessus. Les tops. Ben, c'est la meilleure affaire dans un muffin, c'est de manger le dessus. Et elle mettait les restes dans des sacs à poubelle, puis elle a dû engager un gars après ça, plus tard dans l'épisode, pour manger ses dessous de muffin, parce que sinon, les pauvres les voulaient pas, parce qu'ils voulaient pas de muffin incomplet. Mais donc, tout ça pour dire que récemment, à l'épicerie, j'ai vu des vrais muffin tops congelés. Ah ouais, pour vrai? J'imagine qu'ils fabriquent seulement les dessus, là. Mais c'est parce que ce qui est bizarre, si tu fabriques seulement le dessus, c'est que le dessous du dessus, OK, du toit, est donc croustillant. Mais ce que tu veux d'un vrai muffin top quand tu coupes le dessous, c'est que le dessus est croustillant et le dessous est moelleux parce qu'il vient d'un muffin complet, tu comprends? Ouais. Est-ce qu'on suit là-dessus? Non. Non? Non. Tu sais, mettons, tu dévisses le toit d'un muffin, le dessous, il est moelleux parce qu'il était attaché c'est à un... C'est ça qui est bon? Ben, c'est ça qui est bon. Mais si tu fais seulement les dessus quand tu fais cuire tes muffin tops... Ben, t'as pas de ça. T'as pas de moelleux. Parce que le dessous, il est croustillant aussi, vu qu'il a été cuit. Ouais, c'est ça. Ah? Là, on suit. On suit. On aimerait peut-être mieux pas. Peut-être mieux pas suivre trop ça. Mais je devrais en acheter pour les essayer, ces affaires-là. Ça a l'air belle. Donc, tout ça pour dire qu'on est en train de parler du plan d'aujourd'hui, je pense. Ouais, et, à 7h45, on aura Angie Durocher et JDR qui va gratter ses coups de cœur comme un billet de loterie. Et de quoi qu'elle nous parle ce matin, on sait pas. Hein? On sait jamais avec elle. Hein? C'est une surprise. Une surprise à chaque fois. Ben, c'est comme un billet de loterie, ça aussi. Tu sais jamais si tu vas sans faire exprès gratter le nul sur découvert. C'est ce que je m'en ai dit. on se comprend. À 8h, on va parler de l'AGEQTR, l'AGEQTREU, avec Jasmine Raymond-Dréville, qui est toujours fiable et, comment dire, au courant des faits et gestes de l'AGEQTREU. L'AGEQTREU. Ensuite, à 8h30, on va discuter d'obésité. Dans la chronique sur la culture sportive avec Maxime Bilodeau. Et aujourd'hui, donc, l'obésité sous toutes ses coutures. Il va faire un petit tour d'horizon sur la problématique de l'obésité. Il va vous parler en long et en large de ses causes qu'on pourrait qualifier de non connues, moins connues ou nouvelles. Il dit, sur un ton détaché, pas accusateur ni réactionnaire et informatif, il dit informatif au cube. Oh! Parce que du cube, c'est du volume. C'est vrai? Tu sais, il est concept quand même dans ses analogies. J'aime bien Rose. Et puis, c'est ça, en tout début d'émission, on fera CNX tantôt. Mais pour l'instant, on se tape. On se tape quoi? Ben on se tape avec... on se tape pas, en fait. T'sais. On se tape, mais on se tape pas. On commence, on start l'émission avec Ariane Moffat. Okay. Parce que je me dis, il fait noir ce matin. Les gens vont parler des tremblements de terre. T'sais. On va juste parler de ça, je pense, aujourd'hui. Juste parler de ça. Donc, ben Ariane Moffat, elle parle de la pluie et du beau temps. C'est des choses qu'on dit dans la vie puis que tout le monde sait, mais ça remplit un vide. Hein? Ça remplit un vide. T'sais. Comme un Moffat, remplit un creux. Il est bon, mon fan. Il va y retourner. C'est pas un bon fan, arrête. La pluie et le beau temps. C'est pas banal. On n'en parle jamais trop. Non. Regarde comme il fait beau. Ressens comme il fait bon. Il traverse la fenêtre du ciel jusqu'à ma tête. Ses effets collatéraux sur mon humeur et sur ma peau, j'en rêve. On ne parle C'est pas facile à dire. Non, beaucoup de R. Oui, Reroll Alberta Advantage. Mm-hmm. Et la pièce Stamp, pièce que j'adore d'ailleurs. Ça faisait, je pense que c'est la première fois, sept automnes qu'on l'a fait jouer. Oui, donc minimum depuis le mois d'avril-mars, on n'avait pas fait jouer ça. On n'avait pas fait jouer ça. C'est un classique. Mon Dieu, mais oui, tout à fait. Et puis, parlant de classique, j'aimerais peut-être ça en entendre tantôt. Oh. Clin d'œil à Mathieu Plante. Je te parle de Final Flash, évidemment. Final Flash, ça, c'est vraiment un méchant gros hit, par exemple. Ouais, c'est ça, très bon. Ben, ça, j'aimais ça. Je sais pas si t'aimais ça, en fait. Final Flash, oui. Ouais, ok. Oui. Rural Alberta, je te dirais que ça me laisse moyen. Ça me laisse un petit peu à la Mumford & Sons. Ah ouais, pour vrai? Non? Bien. C'est bien. Bien, mais sans plus. Ben, c'est ça. C'est okay. Bien de l'entendre une fois de temps en temps. Rural Alberta Advantage, d'ailleurs, c'est Maxime Lemieux-Laramie, ancien chroniqueur ici à Assemblage Requis. En quoi? En 2009, 2010. Automne 2009, hiver 2010. Mais faites connaître ça d'ailleurs dans le cadre de c'est merveilleuse chronique, télécharge quoi? C'est on a super jamais bon. Une nouvelle après ça. Non! Maxime, si tu nous entends, reviens-nous. Il nous a oubliés, il nous renie, fait comme si on n'existait pas. Mais bon, pas grave. Donc, moi, ce que j'oublierai jamais, par contre, c'est ce que je vois sur Internet. Je vais jamais l'oublier comme dans je vais l'oublier dans 2-3 secondes après l'avoir dit. C'est comme question de seconde, hein? Souvent, en fait, ben, on est bombardé d'informations. Tellement. Que... Écoute, on fait ce qu'on peut, là. On fait ce qu'on peut. Ben justement, je vous aide à faire le ménage là-dedans. Voici CNX. Vous savez, depuis le début de la session, on a du temps pour à peu près une chronique du CNX par semaine. Donc, quand on l'a fait, on essaie de faire ça le plus tour du web possible. La plus complète. Complète et vraiment pour vous aider à vous frayer un chemin à travers ce qu'on appelle la Webernet toile des Internet Webernet. Je sais pas. L'Internet, attends. Cette affaire-là, tu sais quoi? Le dub. On commence par... ça, c'est vraiment une très, très bonne idée. C'est une piste de commentaires. Tu sais, sur les DVD ou les Blu-ray, tu as tout le temps des commentaires que tu peux mettre sur les films. Tu sais, le réalisateur qui raconte comment ça s'est passé, behind the scenes, les acteurs qui parlent de leur rôle, etc., etc. Et maintenant, vous pouvez télécharger des trames de commentaires pour quand vous allez aller voir le film en cinéma. Donc, des trames de commentaires? Oui, ben, t'as jamais écouté. Ben, sûrement, vu que c'est en anglais, t'as jamais écouté, mais il y a tout le temps le commentaire de quelqu'un, tu sais. Ça va être le réalisateur avec la distribution, puis ils vont se mettre dans une petite salle avec des micros, puis ils vont regarder le film, ils vont parler, et quand tu le regardes à la télé, le son du film est baissé, et t'entends la voix des commentateurs. Bon, c'est super le fun quand t'écoutes ça en anglais, en français, évidemment, ça existe pas. J'imagine que les films français doivent le faire quand même. Donc, c'est ça sur loopermovie.tumblr.com. C'est une trame de commentaires pour quand vous allez au cinéma. Donc, si vous avez déjà vu le film, vous y retournez, vous payez un autre 10-15$. Et là, sur votre... C'est quand même cher. C'est très cher. Et sur votre iPod, dans votre lecteur MP3, dans vos écouteurs, vous allez pouvoir entendre le commentaire en direct, mais c'est des commentaires d'un fan. Donc, c'est vraiment pendant que vous regardez le film Looper avec Joseph Gordon-Levitt. Et c'est évidemment fait par un fan, donc c'est complètement différent de la piste de commentaires qu'il va y avoir sur le Blu-ray et le DVD. Ça va être un petit peu plus technique et plus détaillé. Et c'est pas mal quelqu'un qui a, je crois, travaillé sur le film. Je me suis pas... c'est le réalisateur et le scripteur, le gars qui a écrit Looper. Donc, c'est vraiment le gars derrière Looper, ce qui est encore plus intéressant que juste un fan, comme je le croyais. Donc, bienvenue, allez télécharger ce commentaire-là sur assemblagerequis.com. Le lien est là. Ensuite, je saute par-dessus les vidéos pour les faire à la fin. Il y avait le masque d'Halloween le plus inapproprié de l'année. Horrible, cruel, 500$ sur eBay. C'est le masque du gars qui a fusillé tout le monde là, dans un cinéma. Tu sais, les cheveux orange-rouge et les gros yeux menaçants. Donc, c'est un masque qu'on peut acheter et se mettre dans la face. Le masque de James Holmes. C'est peut-être pas une bonne blague, ça. Peut-être pas, non. Ça dit, bon, ça commence à 500$, comme on disait. C'est par le gars qui s'appelle RealFace13 sur eBay. Il dit, « Shock everyone you know. Shock everyone you know. » Ouais, mais tu sais... C'est déplacé. Ben, je trouve un peu. C'est moi qui... Non, t'es pas trop sensible du tout. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment déplacé, mais bon... Il y a des gens qui... Tu sais, les costumes d'Halloween, si tu veux, à chaque année, te battre en termes d'efficacité ou de surprendre les gens, il y en a qui vont aller jusque-là puis qui vont payer 500$ pour minimum. Là. Pas sûr. Ben, il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Ouais, c'est ça, il y en a, mais c'est pas nos amis. T'sais. Non. Ensuite, ça, c'est sur Internet, vous savez, sur les sites comme Etsy, etsy.com, les gens peuvent vendre des produits faits à la main. C'est pas comme eBay, c'est vraiment une boutique. C'est comme un genre de Amazon.com, mais pour les produits faits maison. Et sur BuzzFeed.com, on retrouve le top 11 des caches vibrateurs qu'on peut acheter, qui sont faits en laine, en différents tissus. Et c'est joli. Et des petites boîtes, même avec un genre d'attache, un genre de snap et tout. C'est sophistiqué. Xena, princesse guerrière. OK. T'as les X-Men, de la peau de léopard. Comme ça, c'est très joli. Une banane en laine. Ensuite, ça, c'est génial. Parlant de costume d'Halloween, tu te rappelles la madame qui avait barbouillé par-dessus une peinture super importante de Jésus, puis qui l'avait rendu, il avait l'air d'un singe. Là. Tu te rappelles, t'avais même vu une parodie de ça où on voyait un peintre. Oui. OK, donc si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Sinon, cherchez Jésus Fresco, F-R-E-S-C-O. Donc, c'est un costume d'Halloween de ça. Donc, c'est vraiment un masque peinturé avec le look bizarre de singe de cette toile-là. Ça c'est peut être drôle, très drôle. Ça, c'est un excellent type de costume. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques jours de ça, on a appris que IKEA... dans certains pays, en fait, c'est en Arabie Saoudite, les franchisés de IKEA avaient enlevé toutes les références aux femmes dans leur catalogue. OK, donc c'est en Arabie Saoudite, tu prends le catalogue d'IKEA et aussitôt que tu vois une famille, père, fils, mère, ils avaient enlevé la mère. Même dans le miroir, ben parce que t'es pas supposé, selon leur religion, on peut pas voir ta peau si t'es à l'extérieur de chez vous, genre, puis c'est pas ton mari peut te voir, mais pas tout le monde. Bon. Alors, bref, ces histoires-là, on s'en va pas trop là-dedans. Mais ils ont enlevé la représentation de la femme sur chaque page. Donc, mettons que la femme est enlevée, faut qu'elle repeigne le mur en arrière, faut qu'elle redessine le petit panier qu'il y avait sur le mur, dans le miroir, faut qu'elle redessine l'inverse du miroir. Tu sais, c'est beaucoup de travail Photoshop, là. C'est du travail. Et donc, IKEA, c'est ça, c'est un franchisé. C'est ce que la grosse compagnie IKEA a dit, que c'était vraiment pas approuvé, puis que ça allait... Bref, ça allait pas passer au test, ça allait pas passer le test, cette affaire-là. Et donc, on vous montre... Là, je vous ai passé l'article vous montrant des images, d'ailleurs, de ce catalogue-là. Mais la raison que je vous en parle, c'est pour, après ça, les parodies. Hein? C'est un nouveau Tumblr qui est arrivé, qui s'appelle IkeaFiles.tumblr.com. Et on prend des vieilles photos... classique, par exemple, du film Casablanca. Okay. Et on enlève les femmes et on les remplace par des articles de chez IKEA. Par exemple, on remplace la femme par un miroir. Tu sais, genre, fait que là, on voit le gars deux fois parce qu'il y a un miroir devant lui. Ou on remplace dans la célèbre photo de la femme noire qui s'était assise à l'avant de l'autobus et non pas à l'arrière à l'époque de la ségrégation. Donc, on passe cette photo-là et on remplace une femme par une armoire de chez IKEA. C'est génial. C'est très, très fun. Donc, allez voir ça. La statue de la liberté est remplacée par un divan. À la verticale, le divan bleu. C'est génial. J'adore ce concept-là. Ensuite, des vedettes qui seraient belles en tant que femmes est un autre buzz en ce moment sur Internet. Et je déteste le mot buzz parce que ça fait tellement français. Tu sais, quand Danny lit des articles au dîner de cons là, sur des affaires qui font le buzz sur Internet, là, les articles sont super redondants. Ce site web fait le buzz sur la toile. Ouais, incroyable, super, fait le buzz. Non, ça me tape ses nerfs. Mais donc, on voit Tom Hanks. Pas Danny qui me tape ses nerfs en passant, juste les Français. Donc, Tom Hanks en femme, qui ferait une très belle femme. Est-ce que c'est, je crois, Richard Gere? Une très belle femme. Il y en a qui c'est pas un petit peu moins réussi. Robert Pattinson, pas tout à fait certain. Le gars de Dr. House, là. Non, pas la plus belle femme du monde. Donc, allez voir ça, cette compilation-là. Monsieur Bean. Ah, tabarnouche. Non, je voulais pas voir ça, par exemple. Monsieur Bean en femme. Oh, que je voulais donc pas voir ça. Ouais, j'avoue, hein, c'est un peu particulier, je trouve. OK, suivant. J'ai posté un article sur la popularité de Mumford & Sons. On en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. Vous savez qu'ils dominent les palmarès de singles. En fait, ils ont le plus de succès dans le Hot 100 en ce moment que depuis les Beatles. Tu sais, les Beatles, à l'époque où il y avait beaucoup de succès dans le top 100, Mumford & Sons viennent d'arriver à ce record-là. Exactement le même nombre de singles dans le Hot 100 que les Beatles. Ils ont 6 hits en ce moment sur le top 100 de Billboard. Pourquoi? Billboard, là. Billboard. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quel quoi, comme on dit. N'importe donc, quoi, pour faire un genre de contre-balancier à ça, un seul gif animé qui résume chaque chanson de Mumford & Sons. Et c'est, je sais pas si c'est dans le pour film. Ça, j'ai le goût de le voir. Est-ce que c'est dans le film Bossu Notre-Dame, quelque chose comme ça? Donc, on voit le bossu en train de jouer avec... avec l'instrument à cordes, là, je sais pas si c'est un banjo, comment t'appelles ça? Une affaire à cordes, là, pas une guitare, mais en tout cas. Et on voit le bossu bouger, qui strumme sur son truc, son instrument de musique. Et je suis sûr que si tu le fais jouer avec n'importe quelle chanson de Mumford & Sons dessus... Ça va. Ah, si on écoute l'extrait Little Lion Man, que t'aimes beaucoup, et c'est là que Winham choisit de planter d'en face, c'est le fun. Comme tous les autres animateurs, je vais pouvoir moi aussi me plaindre sur Winham. Fun. J'étais le dernier, je pense, à chialer sur Winham. Toutes les émissions de ces fous l'ont fait. Me voilà en train de la faire. Donc, Little Lion Man, si on écoute ça. Ah! Ouais. T'imagines un bossu en train de jouer. Ouais. Ça fait bien. Hey, j'ai le goût de l'entendre. T'as le goût de l'entendre, peut-être après? La pièce, non, oui. Mais en fait, je pense que je vais devoir la laisser continuer parce que j'ai plus mon Winamp. Oh! Alors, on écoutera d'autres vidéos de toute façon tantôt, fait que ça va compenser. J'essaie de continuer avec les pas vidéo. Des publicités contre le cancer du sein, du Comic-Con. Vous savez que le Comic-Con de New York commence jeudi. Comic-Con, c'est la grosse foire de bande dessinée, émission téléfilm. Donc, ça va être déconcentrant d'avoir le gars qui chante derrière. Donc, c'est des publicités pour le Comic-Con et le cancer du sein. Donc, on voit des super-héroïnes comme Storm, Wonder Woman, Catwoman, She-Hulk et un paquet d'autres qui se touchent le sein pour détecter une bosse ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très bien fait. C'est pour le New York Comic-Con. Un autre gif animé, c'est un artiste en fait basé à Belgrade, un designer qui s'appelle Valentin, qui fait des gifs avec, entre autres, la peinture super connue de 1940 de Frida Kahlo. Tu sais, c'est la fille avec un seul sourcil. OK. Si tu l'as déjà vue, tu vas peut-être la reconnaître avec un seul sourcil dans la face. Hein? Ouais. Ben, il l'anime, donc ses sourcils bougent. Et si y a d'autres exemples, par exemple, Valentin aussi a fait un gif de Picasso où on voit le gars se rentrer et sortir la tête de son manteau. Et Van Gogh qui tremble et pleure sur sa chaise. C'est vraiment cute. Donc, bonne idée d'animer des toiles connues. Ça c'est drôle. C'est un nouveau Tumblr qui s'appelle Badly Recreated Animated Film Frames. Donc, on nous donne l'exemple de pourquoi les dessins animés sont meilleurs lorsqu'ils sont faits par des professionnels au cinéma américain. OK. Donc, ils reprennent des captures d'écran de films connus faits en 3D, mais les redessinent comme n'importe qui dessinerait un dessin animé. Ça pourrait me ressembler, ça. C'est ça. Ils ont fait ça dans Maya et le ciel 3 de composition d'animation 3D en 30 minutes. Et en effet, c'est pas pareil. C'est particulier. Ensuite, l'alphabet mettant en vedette vos films préférés. A pour Across the Universe. Là, c'est des taches de peinture rouge avec un genre de petit chapeau vert. Il y en a que je connais peut-être moins. Le B is for The Birds d'Alfred Hitchcock, c'est ça? Donc, le B, c'est des plumes d'oiseaux. C pour Charlotte's Web. Donc, le C est vraiment une toile d'araignée. Et ça continue comme ça pour en hommage à plusieurs films. Ensuite, le reste, c'est pas mal des vidéos, à moins que je me trompe. Ouais, c'est ça. Donc, on va y aller avec des petites vidéos. Tiens, on va t'arrêter ton Mumford & Sons. Je vais le laisser ouvert pour pouvoir y revenir, OK? OK. Comme ça, on va être sûr. Génial. Donc, allons-y avec celui-là. Ah, ça, vous l'avez tous vu. Je vous le fais entendre en extrait, juste si vous l'avez raté, pour que vous puissiez vous reprendre là, et que vous ne soyez pas derrière tout le monde. Là. C'est le marching band d'une équipe de football américaine qui reprend des thèmes de jeux vidéo. C'est le Ohio State Band, The Best Damn Band in the Land. The Best Damn Band in the Land. Qui reprennent, entre autres, la chanson de Tetris. On va écouter le début, un peu. Ça, c'est Space Invaders. Ça, c'est live. C'est live. Et là, les joueurs sur le terrain bougent Dans le fond, ils sont placés en forme des personnages ou des objets dans le jeu. Comme là, Space Invaders, c'est des petits châteaux puis un petit vaisseau spatial. OK. Et vraiment, les gens bougent en temps réel. On tasse le vaisseau de gauche à droite, tout le monde, et puis tire par en haut. Il n'y a aucun objet. C'est vraiment, les formes sont toutes faites par des gens. Là, ici, c'est des boules de Pokémon, des Pokéballs. Et là, ils jouent des chansons qui ont rapport avec ça. Si on avance un petit peu, j'aimerais ça vous faire entendre le... Ça, c'est... ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est... OK, Tetris. Regardez ça. Tetris. OK. Évidemment, les morceaux qui descendent, c'est les gens qui forment ces morceaux-là. C'est vraiment, vraiment réussi. Allez voir le reste sur assemblagerequis.com. Le lien est évidemment là. Ensuite, on pourrait écouter celui-là. C'est le fun, ça. C'est des vedettes de YouTube qui chantent Call Me Maybe. Vous savez, le succès de l'été, là, qu'on joue jamais assez fou parce qu'ils jouent partout ailleurs. Là. Puis de toute façon, c'est pas bon non plus. Donc, Attached Girlfriend, le Neon Cat, Freddie Wong, T-Zonday. Donc, toutes les vedettes du web. Well. Ask me, I'll never tell. Donc, c'est des extraits de leurs vidéos. And now you're in my way. My soul. L'idée est bonne, l'exécution est... Moi, j'aime pas ça, ces affaires-là, moi. C'est fatigant parce que... Ouais, vraiment. Si on sait pas c'est quoi la chanson, on la reconnaît pas. Ben non, t'as reconnais pas, jamais. Non, j'aime pas ça. OK, t'as raison. On sort au prochain. Par contre, si on reste dans le Call Me Maybe, si je peux le retrouver, celui-là, attends un peu. Call, il est en bas. Oui, exact. Merci, François. Tu suis, téléphone. Je suis à game. Without the music, c'est la musique. Un peu comme Gangnam Style la semaine passée que j'avais trouvé donc génial et que j'ai montré à tout le monde que j'avais l'opportunité de leur montrer. Donc c'était non. Ah, ben là, ça gâche tout, par exemple. Ah, ben là, ça gâche tout. Contenu de UMG, il a été bloqué sur YouTube, toi. Eh! Ah, ben, Colin, mais si vous pouvez le retrouver, Call Me Maybe Without the Music, vous allez entendre de quoi ça a l'air quand on rajoute les effets sonores de la chanson, dans le fond, du vidéoclip. On les rajoute et on met seulement les paroles et on enlève toute la musique qu'il y a derrière. Ça fait un très, très bon résultat, toujours. Si on écoute quelques extraits du film de South Park, qui avait 399 jurons dans South Park, Bigger, Longer, and Uncut. Pig fucker, fat ass and fat shit face, cockmaster, donkey raping shit eater. Ça, j'aime bien ça. Il y en a 400, c'est très très long. Sinon, qu'est-ce qui restait comme vidéo? Je sais qu'il y en a quelques-uns, je les ferai pas tous. Là. Un chat qui chante le thème de Star Wars. Pourquoi non pas? Oh oui, un petit chat. Il faut qu'il y ait des chats dans CNX tout le temps. World Wide Interweb Original. Et pendant qu'on écoute ça, le chat s'est fait tuer, puis il est revenu en fantôme. J'ai laissé sur le blog assemblagerequis.com une publicité pour Facebook. Vous savez que Facebook a maintenant une publicité. C'est quelque chose quand même très, très dramatique. Il y a aussi Obama et sa compilation des « parce qu'au débat républicain et démocrate récemment, c'était mercredi passé, il y a beaucoup de « dans le discours, dans les phrases d'Obama. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Une compilation ultime des fails aux quilles. Des gens qui s'en fâchent, qui se pètent la gueule aux quilles. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi... Ça, c'est bon. On pourrait se quitter avec ça, tiens. On va se quitter avec ça. C'est Amazing Twist on Gangnam Style. Encore une fois, toujours ça, c'est sur Internet. Quand on s'accroche à une mode, on ne décroche pas avant un maudit bout. Et donc, ils ont fait une petite variante acoustique sur un Gangnam Style de Psy, l'espèce de chanson que tout le monde tenait d'entendre. Mais celle-là, en version acoustique, ça va être bon. C'est quoi la chanson? Gangnam Style. Gangnam Style! Non. Mm-hmm. Tu vas peut-être la reconnaître. Non. T'es pas sur Internet ben même? Bah. Non. T'es occupé. Hein? Non. On l'écoute, on se quitte avec ça. Ouais. Cut. I'm down. pang Gangnam Style. Oh, oh, oh, pang Gangnam Style. Oh, pang Gangnam Style. Lady, oh, Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Lady. 촌스럽게 보이지만 너때 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 끊는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 반전이 있는 여자. 나는 사나이. 좀 잘은 보이지만 놀 때 노는 사나이. 때가 되면 완전 미쳐버리는 사나이. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 사나이. 그런 사나이. 아름다워 사랑스러워 그냥 너 Gangnam Style. Oh, oh, oh, Gangnam Style. Oh, Gangnam Style. Oh, oh, oh, Gangnam Style. Hey, sexy lady. On a compris le principe assez rapidement. Il fallait qu'il rajoute. Ouais, ben allez voir la vidéo, rien que parce que la fille est vraiment cute. Ah ouais? Au retour, l'index d'Anne-Julie Durocher. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Hey, petit ordinateur! Oh, oh, bon! Hey! Oh! Hey! C'est expose. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. Donc, on comprend que Windows Media Player est un très mauvais alternatif. Ouais. Une mauvaise alternative à Winamp. On écoute Final Flash et Welcome to the House on Fire. Éventuellement. Un jour. Un jour, ça va venir, man. Un jour. Décroche-toi pas. Un jour, ça va aller. Voyons donc, la lumière au bout du tunnel. House, du tunnel. Tunnel. Ouais, t'essaierais de prononcer ça en tapant un mot comme Welcome to the tunnel. House on fire. To the house on fire. C'est ce qu'on va entendre. Ben là, juste pas le flash, non, petit groupe montréalais, non? Ben ça oui, sauf que je vais jouer ailleurs. Tu sais. Écoute, petit groupe montréalais, sinon, tu dis? Ouais, ouais, ça vient de Montréal. Hmm. C'est bon, en fait. J'espère que c'est bon parce qu'il va falloir que ça vaille la peine pour que j'aille faire tout ça. Eh oui, ça vaut la peine. Absolument la peine. Welcome to the house, house on fire. Yay! Hey, bonne humeur, bonne humeur. Hey, hey. tremblement, ça marche. Tremblement de terre, mets ça à faute là-dessus. Final Flash et Welcome to the House on Fire. La maison est en feu. Welcome to the Studio on Fire. On a du pep un matin. Tu m'as dit hey! Le 3. C'est bien le 3? Oui, c'est bien le 3. Mais comment ça que tu, on t'entend pas? Les écouteurs, ben oui, on l'entend. Ben moi, je l'entends pas. Ben moi, je m'entends pas. Oui, tu l'entends pas sérieusement? Non, pour vrai, je l'entends vraiment pas. Prenons le 2 juste pour voir. Ben là, non, mais moi je t'entends. Prends celle-là. Ouais, celle-là. Juste pour voir. Juste pour la fin. Faire des tests. Est-ce qu'on m'entend mieux? Là, moi je t'entends. Ben je l'entendais, moi. Bizarre. Okay, ouais, en tout cas. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est la journée technologique. Wouhou! Attends un peu, foutu. Plug ailleurs. Le running gag de se brancher dans la bonne prise d'écouteur pour le bon micro fonctionne toujours sur Anjuli, même si c'est pas vrai. Ben, en tout cas, ça a pas marché parce qu'on m'entendait pas. Ah, donc, Anjuli, hey, moi, je pense que tu devrais sortir le doigt que tu veux et le mettre par en avant. Tu mets le doigt. Tu mets où tu veux. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute Anjuli Durocher, bon matin. Bon matin. Ça va bien aujourd'hui, toi? Oui. T'as dormi beaucoup? Non, pas du tout. Le tremblement de terre t'a relaxé les muscles? Hey, il m'a énervé, ce tremblement de terre-là. Genre, j'étais déjà énervé avant de me coucher. Mon bain qui est pas calme? Non, non, c'est ça. Là, j'étais plus capable de dormir. Je crois que je me suis endormie. Il était 2h du matin. Je suivais ça sur Twitter, entre autres Daniel Thibault. Je pense que c'est l'auteur de Mirador, okay. Quelque chose comme ça, en tout cas, je sais qu'il travaille autour de cette série-là. Et il me faisait tellement, mais tellement rire, ça n'avait pas de bon sens. Donc, je suivais ça attentivement et ça m'a complètement empêché de dormir. Ah, pauvre chouette! Mais ouais, pas grave. Pauvre chouette? Ben, c'est ma phrase clé quand j'ai pas vraiment pitié de la personne, mais tu sais. Pauvre chouette. Non. Pauvre chouette. T'as ri. Mais oui, hey, c'était drôle, là, pour donc, vrai. Donc, t'as pas dormi. Vous irez voir ça à temps perdu aujourd'hui. Tout ce que c'est dit. T'sais, mais je pense qu'il tweet vraiment beaucoup. Fait que vous allez peut-être avoir un petit peu de misère à retracer. De toute façon, à Trois-Rivières, si je connais les gens comme on est mortels, ils vont être sur Twitter dans 6-7 ans environ. Fait qu'ils ont le temps de se rattraper. Ouais. Mais Simon Fitzbé était là en tout cas à minuit hier. Ouais, il est dans les privilèges. Oh, ouais, je le voyais. Il a tweeté. Ouais. Il était actif. Ouais. Ouais. Oh, bien. Moi, je tweete pas, mais je regarde ce que le monde écrit. Puis je trouve ça bien drôle. C'est ça qui est le fun de Twitter, ouais. En effet. Donc, Anjuli, tu nous présentes ton coup de cœur de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Non, pas tout de suite. On a une feuille qu'Anjuli nous a donnée, mais on n'a pas de la regarder, François et moi, pour l'instant. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est pas tant un coup de cœur. OK. Plus que je vais me vider le cœur. OK. Hey. Donc, aujourd'hui, on va parler, les gars. J'ai choisi un sujet vraiment pour vous. J'ai dit. Je me suis posé la question de quoi qu'on allait parler, puis j'ai décidé que ce matin, on allait parler de sein. Oh! Le sein. Le sein, là, de poitrine féminine. Okay. Soudainement, l'émission d'aujourd'hui vaut la peine. Là, on vient d'augmenter le nombre d'auditeurs, ou du moins, ils ne vont pas quitter les ondes. Non, c'est ça. Comme masculin, du moins. Ouais. Donc. Il n'y a pas la photo. Mais on va parler de ça. Je sais qu'il y a une pogne, moi. Oui, c'est ça. Ouais. Là, ça vient la pogne. C'est le cancer du sein. Non. Non, on va parler d'allaitement. Ah! Là, vous vous doutez qu'est-ce qu'il y a sur votre feuille? Je sais pas. Non, même pas. Même pas. OK, vous êtes vraiment pourris, pas à l'affût de l'actualité pour deux semaines. Donc, vous pouvez maintenant regarder votre feuille, les garçons. Donc, on va parler de la publicité pour l'allaitement. La publicité sur laquelle on retrouve la charmante Maë Paiement. Ça, c'est comme de l'allaitement, tu sais. Hein? Ouais, beau jeu de mots. OK. Donc, vous avez, les garçons, cette publicité devant vous. Et j'aimerais tout d'abord, avant de commencer, avoir vos commentaires sur cette publicité-là. Je pense que c'est important de préciser que François-Olivier est papa, donc... Exactement. Écoute, que penses-tu de la pub? Cette pub-là est extrêmement bien faite. Oui, elle est vraiment belle, la pub. OK. C'est tout. C'est tout ce que tu as dit. Et toi, Mathieu? Non, mais, écoute, okay. je sais pas, c'est la première fois que je la vois. Je sais pas. Tu l'avais jamais vu avant? Non, je l'ai jamais vu. C'est quoi, ça passe... C'est sur La Semaine, Dernière Heure, un magazine, quelque chose comme c'est ça? C'est ça. Ça l'a paru sur La Semaine, mais ça l'a paru beaucoup, un peu partout. Mais c'est une pub qui se veut, quoi... Supposée être, genre, provocante, là, tu sais. Ouais. En fait, pourquoi? C'est une... Pour rester les gens à l'été? C'est une publicité qui est sortie la semaine dernière parce que c'était la semaine pour favoriser l'allaitement, quelque chose comme ça. OK. Puis, c'est la campagne de pub. Maë Paiement est la porte-parole de la cause, si on peut appeler ça ici, là, de l'allaitement. Ouais. Es-tu maman? Ben oui. Oui, c'est son petit bébé. Elle allaite pour vrai, là. Oui, c'est ça. Comme Marois. Fait que, ouais. Ils sont chanceux. Et moi, hein? Oui, c'est ça, l'Agence de la santé. Je vais vous mettre en contexte. Ben, c'est ça. Comment on est en 2012? Il y a cette publicité-là comme version papier. Puis là, ce qui vous manque, en fait, sur l'image que je vous ai fournie, c'est le slogan. Okay. Le slogan étant « Allaiter, c'est glamour ». Boah! Glamour! Okay? Donc, c'est le saga qui vous manque. Il y a une vidéo aussi qui accompagne la publicité papier, si on veut, là. Donc, c'est tout ça. La campagne, comme j'ai dit, se nomme Allaiter, c'est Glamour, qui a été lancée la semaine dernière par l'Agence de la santé et des services sociaux. Pour ceux qui n'auraient pas vu la dite publicité, on y retrouve Maë Paiement. En passant, c'est son concept de publicité. Ah, quand même. En faisant une petite recherche, c'est elle l'idée derrière. L'idée de bien s'habiller et mettre un enfant qui l'allait. Puis le slogan. Pas qu'il l'allait, mais qu'elle allait. Qu'elle allait, on se comprend. C'est ça, ouais. Quoi que l'image est très drôle aussi de l'autre bord. Ouais, ça serait un petit peu bizarre. En tout cas. Ça pourrait être gênant. Ouais. Donc, on voit la charmante comédienne habillée d'une robe super sexy noire, ouais. Coiffée, maquillée en talons. Avec des seins très, très remontés. Remontés. Avec un jack. En tout cas, j'avais jamais remarqué sa poitrine avant cette publicité-là, mais là, je crois que... Je suis pas sûr qu'elle existait autant avant cette publicité. Ben, oui. Non, mais elle fait juste ses rélevés, là, parce qu'ils ont pas cette forme-là d'habitude, je pense. En tout cas, but n'est pas de parler de sa poitrine non plus. Non, mais plus, c'est le fun, t'sais. Par exemple. Ouais. Ouais. Ouais. C'est ça, j'ai pensé à vous quand même un matin, je me suis dit, je vais choisir un sujet que les garçons vont apprécier. Moi, j'ai vu la publicité, elle venait juste de sortir. Il devait être minuit et quelques, qui est sortie sur les réseaux sociaux. Ta réaction? Première réaction? C'est ça. Moi, j'écoute la vidéo, je vois pas la publicité papier. Je vois la vidéo, bon, OK. Sans plus. Ouais, c'est ça, je m'en fous un peu. Pis, c'est cute, là, tu sais. Tu dis, c'est cute. En fait, plutôt nonchalant, je suis fatiguée, je m'en vais me coucher, je le poste sur le mur d'une de mes amies qui est maman et qui est en train d'allaiter. Ouais. Donc... Ah, tu es donc bien glamour. Ah, wow. Ça finit là. Puis après ça, t'es allé te faire un petit peu de lait chaud sur le four. Non. T'as pas donné de soif pour du lait chaud? Non. Bref, je me suis couchée, puis c'est resté de même. Le lendemain, on en reparle au bureau, et les articles commencent à sortir, les chroniques, différents groupes commencent à sortir plutôt contre la publicité pour différentes raisons. Puis je me dis, bon, je vais retourner aller l'écouter. Là. Peut-être des fois, je l'aurais mal regardé. C'est ça. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Il y a une petite musique d'ambiance. Non, mais ceux qui sont contre, qui trouvent c'est quoi leur raison? Mais c'est ça, là, je m'en viens là. Okay, là. Okay. Mais en fait, ce qui choque, c'est plus... Pas tant la vidéo, moi, en fait, que l'image papier, celle que je vous ai fournie ce matin, qui... en fait, il manque certains bouts. Là. J'ai pris une image un petit peu rapidement. Là, on voit pas justement ses talons hauts et tout le reste. L'image est beaucoup plus choquante, je trouve, en fait, même que la vidéo elle-même. OK. Peut-être parce qu'il s'agit d'une image fixe. Fixe, là. Mais c'est ça, c'est pas tant, en fait. Moi, ce qui me dérange, le fait qu'elle soit sexy et tout ça, parce que beaucoup ont déploré le fait... Sexy, qu'on dit. Non, moi, je dis sexy. Sexy. Sensual. Ouais. Sensual. Ouais. Non, okay. Donc, c'est ça. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre en publicité, parce que, tu sais, j'ai un super cours de publicité, oui, donc là, tu sais, je peux faire des liens, ans, là. Ben oui. C'est super la fun. En publicité, il faut que tu rejoignes ton public cible, en fait. Puis, bien souvent, de nos jours, la publicité va vendre du rêve. Exemple, quand on prend une publicité de parfum, c'est souvent très sexy, sensuel, une publicité de parfum pour femmes, là. Oui, puis du axe va attirer les filles, c'est la même chose. Oui, c'est ça, plage, ben oui, même les filles pour arrivent. Donc, souvent, on vend du rêve... sexy, sensuel et tout ça. Et là, on a utilisé le même type de publicité pour parler d'allaitement. Ouais. D'allaitement, là, je dis. Là. Oui, oui, c'est quelque chose de super naturel que toutes les femmes, et on va venir utiliser la robe, le décolleté, les talons hauts. Et plusieurs femmes, en fait, se sont levées en disant « Hey, moi, là, j'ai pas allaité, là, mais je reprends les propos de ces femmes. » Ils n'ont pas de l'air de ça, en train non, de... Non, mais... Si on voulait... Mais c'est ça. Moi, ce que ça m'amène à dire, c'est ça, le but, selon moi, c'est de dire que c'est pas parce que t'es mère et que t'allaites que t'es obligé d'être absolument en coton ouaté ou, tu sais, peu importe, là, tu sais, genre, vêtements larges. Tu peux aussi, si tu veux, et que c'est ton choix... Ouais, mais... Ouais. Être glamour. Tu peux, si tu veux. Ouais, mais c'est quand... C'est obligatoire. Quand est-ce que t'as vraiment l'occasion, quand t'es nouvelle maman, d'être glamour? Et en plus, cette publicité-là vient en fait vient promouvoir le fait d'allaiter publiquement, parce que malheureusement encore aujourd'hui, ce n'est pas accepté de tous et partout d'allaiter publiquement. Ça, c'est stupide, là, soit dit en passant. Oui, mais encore hier, j'étais avec une de mes amies. T'as vu quelqu'un, puis... Non, non, mais c'est quasiment ça, là. Ils se cachent quasiment, là. Ils ne veulent pas le voir, ils ne l'acceptent pas, là. Puis on, dans l'université, là. C'est, ouais, ouais, le monde n'accepte pas une femme qui allait en public, même si elle est cachée, là, tu sais, elle a couverte ou quelque chose. On voit rien. Non, non. On voit plus mal. On voit rien, c'est naturel, en fait. Tu sais, écoute, tu l'as fait quand t'étais jeune, en tout cas, bref. Tout le monde est passé par là. Mais je pense que cette pub-là, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ton point de vue, dans le sens où elle projette, en fait, une image d'une femme que t'as pas l'impression, en fait, qu'elle est mère. Donc, l'allaitement peut, en fait, s'adresse à tout le monde. Tu sais, c'est comme de projeter une image que t'associes pas normalement. Je sais pas si en fait... Mais oui, je comprends où tu vas en venir, mais en effet, c'est un des reproches de la publicité qui passe complètement à côté de sa cible. La femme qui allaite, oui, elle peut se préparer pour une soirée, être en robe de, si en robe de soirée. Oui, mais bien souvent, elle est habillée très normalement. Si on avait vu Maë Paiement habillée en jeans, en beau jeans, un beau chandail... des talons hauts, ça lui tente d'être dans un parc en train d'allaiter. Oui. Ça l'aurait plus rejoint sa clientèle cible. Oui, OK, je peux comprendre. Parce que la majorité des femmes ne sont pas des starlettes dans une super belle pièce entourée de velours, de fourrure, dans une robe sexy. Oui. Et c'est pour ça que la publicité passe complètement à côté de sa cible et ne va pas encourager les femmes qui, déjà, beaucoup de femmes... entre autres, ceux qui ont de la difficulté à allaiter. C'est pas toutes les femmes qui sont capables d'allaiter, là. Ça l'arrive. J'ai pas allaité encore, là. Fait que... Bon, non, il y en a qui ont de la difficulté. Il y en a qui ont de la difficulté. Puis... Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Tu sais, OK, Maë Paiement, écoute, c'est une belle femme. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'envient pour ce qu'elle projette, en fait, pour l'image. Mais exemple, là, je serais peut-être pas gentil ce matin, mais une dame avec quand même beaucoup de poids, surtout le poids assez important, habillé en jogging qui allait... Avec une barbe? Ben, non, mais à limite, peut-être. Moi, j'ai quelqu'un en tête, là, fait que... Tu mets ça complètement à l'inverse, puis je sais pas, en fait, mais là, on part aussi dans un autre débat. Est-ce qu'on est vraiment obligé dans la publicité d'utiliser justement tous ces stéréotypes-là de la femme top modèle? Mais c'est parce que l'allaitement, ça s'adresse à tout le monde. Ben oui, mais c'est ça, encore plus dans une publicité gouvernementale qui a utilisé des fonds publics. On va promouvoir la femme sexy qui allaite. Mais non, mais là... Non, mais la femme qui allaite n'est pas obligatoirement sexy. Je suis d'accord avec toi, Et tu te sens pas nécessairement sexy à la suite d'un accouchement, là, en fait, là, j'imagine. Là. Je l'ai pas vécu personnellement, mais bref, assez de près quand même. Mais tu sais, je pense que là, en fait, c'est le message, tu sais. Faut pas s'attaquer au message en tant que tel. Ouais. Moi, je sais pas. Mais justement, je m'attaque pas à la personne. Je m'attaque pas au messager, je m'attaque au message que ça véhicule. Toi, t'aurais fait quoi comme pub, mettons, tu sais? La femme de tous les jours. Ouais, okay. Ça aurait pu être Maë Paiement, c'est une jeune maman, c'est ça. C'est pas la porte-parole qu'ils ont choisie qui me dérange là-dedans. C'est l'image. Puis en plus, allaiter, c'est glamour. OK, faut comprendre ici qu'il y a un jeu de mots là, entre glamour et amour. Là, ah, quand tu vois comprendre. Les couleurs okay. De la publicité, tu comprends tout ça. Mais c'est pas glamour, c'est naturel. Pourquoi encore une fois, on est allé... on est tombé dans... le cliché superficiel. Oui, c'est ça, le cliché... puis en plus, ça renforce l'image aussi de la femme qui allait, qu'elle doit être encore une fois une superwoman. Mais les femmes qui allaitent, en fait, sont déjà principalement superwoman. Tu sais, déjà en partant, écoute ça, je pense que. Mais bref, c'est un beau commentaire, là. Ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est. Mais en plus, c'est elle doit être belle. Moi, je trouve, une femme enceinte, une femme avec un enfant est belle automatiquement, là. Moi, c'est. Ben, l'autre fois, j'en ai vu une. Ouais. La femme à barbe, là. Non, non, mais c'est pas vrai. Mais écoute, je sais pas, en fait. Moi, dans ma tête à moi, en fait, ça passe parce que. Ouais, je trouve ça. Mais, bref, il y a beaucoup de monde qui sont mitigés par rapport à cette publicité-là. On a pu voir dans le Journal de Montréal Richard Martineau et Sophie Durocher s'obstiner à ce sujet-là. Ils n'ont pas la même opinion de la publicité. Mais bref. On peut aussi se demander, justement, si l'argent public, là, c'est une publicité qui a été payée par le gouvernement, n'aurait pas pu être utilisé autrement. En publicité, mais en même temps, le choix d'allaiter, c'est un choix personnel. Ben, est-ce que je peux proposer une nouvelle publicité, mettons, payée par les fonds publics? Okay. Imaginez, fond noir, parce que là, il ne faut pas montrer du luxe ou rien, ou du pauvre. Okay. Fond noir. Femme, cubique, c'est très, très standard. Cubique. De dos. OK. patte de l'enfant qui dépasse. Okay. Slogan, l'allaitement. Point. C'est un peu plate. Non, mais ça, personne ne va être offusqué par ça, là. Mais en même temps, tu parlais justement d'une campagne de publicité payée par les fonds publics. C'est quoi le but d'une publicité? C'est qu'on en parle? Oui. Je pense que ça a réussi à ce niveau-là. Là. Oui, mais est-ce que le message envoyé aux femmes par le biais de cette publicité-là va nécessairement être le bon? Parce qu'une publicité doit, dans ses fondements, en fait, sert à faire adopter un comportement. Là. Ici, on parle de sert à faire adopter. Est-ce que vraiment, quand on sait que beaucoup de femmes, en fait, vont allaiter dans les premiers mois, mais au-dessus de 6 mois, vont arrêter d'allaiter, est-ce que ça va vraiment faire adopter un comportement? C'est la question que je me pose. Cette publicité-là, cette campagne publicité-là, est-ce qu'elle va vraiment faire adopter le comportement qu'elle cherche à faire adopter ou, au contraire, va apporter plus de complexes chez la femme qui veut allaiter ou qui ne peut pas allaiter aussi? Oui, non, tout à fait, tout à fait. Mais je comprends exactement ton point de vue et je pense que on est divergent d'opinion parce que tu es une femme et je suis un homme. Sûrement. C'est simplement pour ça, je pense. Mais c'est entre autres pour ça que j'étais bien contente ce matin de vous avoir avec moi pour parler de cette publicité-là et que je tenais à vous la montrer non, et d'avoir votre opinion sur celle-ci parce que... Je peux-tu garder la photo? Ouais, dans ma poche. Ben, vous pouvez la garder. Vous avez, je crois, chacune une copine à vous de ne pas... peut-être pas qu'elle la trouve, en tout cas. OK. Bon. Ah ben là, tu l'as dit à la radio. De toute façon, je pense qu'elle est sur Internet aussi. Ouais, aussi. Pas sûr? Ben, c'est ça. Vous pouvez même aller voir sur Internet, ces affaires-là? Non, mais non, ça laisse des preuves. Oh, oui. Ben, moi, je suis allée chercher la photo, en tout cas. Ouais, j'ai vu la vidéo. Bon. Tu ne l'as pas amené la vidéo. Hein? Mais je suis sûr que tu es capable de trouver ça sur Internet, okay. Mathieu. OK. Je te fais confiance. Si les affaires à l'Internet marchent aujourd'hui. Tu rétablis. Ça fonctionne. Okay, bon. Nos problèmes sont ailleurs à ça. Bon. Angie Durocher. Oui. Merci. Félicitations. Ça fait plaisir. Félicitations, oui, tout à fait. Un beau programme un matin. Mais ouais. Fait que là, je vais vous trouver un autre sujet. J'aime ça entendre votre opinion, les garçons. C'est le fun, hein? J'aime ça, on ne fait pas assez d'opinion ce matin. On va chamailler. Oui, oui, j'aime ça. La semaine prochaine, je vais essayer de trouver un autre sujet de même. OK, tu vas être notre femme d'opinion fine. Richard, c'est quoi l'autre? Durocher. C'est qui l'autre? Durocher. C'est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Anne-Sophie, on pourrait t'appeler Anne-Sophie. Mais attends, elle s'appelle Sophie Durocher en plus. Ah ouais? Ouais. Ah, mais c'est pas la même. Wow! Puis mon nom, ça s'appelle Richard Martineau. Non. Pas ça, non. Non. Mais je sais pas, j'ai tant envie d'être comparé, mais en tout cas, ça reste un autre sujet. Hey, les membres de famille, on a la nièce de Sophie Durocher. Non, on a le frère de Maxime Landry puis de Bernard Landry. Non. Tout ça, carrément, on a des vedettes. Ah, c'est fou. En tout cas, bon, merci, à la semaine prochaine, on se retrouve, c'est mardi, mercredi à 7h45. Ouais, c'est ça. Bravo! Je sais qu'à regarder l'horloge pour me rappeler, c'est vrai, c'était vlog 15 minutes. Cool. Ouais. Bon. Alors, on va terminer l'heure ici, François et l'autre là, aussi. Ouais, merci. J'amène des photos, des belles photos, ouais, et des belles l'autre. Photos. Ben, là, c'est parce qu'il faut bien prendre quelques minutes pour pouvoir regarder la photo en détail pendant qu'on n'écoute pas l'info campus. Ah, OK. Non, on va l'écouter. Bon, on l'écoute. C'est là. Non, on va voir que ça se passe. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 10 octobre 2012. Puis c'est François-Louis Marchand. Salut, c'est Mathieu Plante. Oui, il est 8h05 minutes. Hey, hey! C'est excitant, 8h05. Come on. L'heure préférée de tout le monde. Toujours avec Angélie Durocher qui est dans ce coin-là, mais qui a pas l'air de vouloir parler. Mais j'ai pas d'écouteurs. Attends, c'est pas de ma faute parce qu'il y a pas assez de trucs pour brancher nos écouteurs. C'est de leur faute. C'est la faute à François. Ouais. Running gag, okay. Continue. Donc, Jasmine Raymond-Dréville qui est là. Aussi. Salut. Ça va toujours? Ben oui, ben aboui. Ben aboui? Ben oui, là, je pensais à mon ticket. Mais ça va, sinon. T'as un ticket de quoi? Ben oui, je vais vous raconter ça. Elle voulait 2 cents d'une zone scolaire. Ouais. Arrête. Je fais jamais ça, je roule à 30. Non, ben, c'est une étiquette de parking, là, 52 $ pour s'être stationné du mauvais côté de la rue. Il a 5 minutes après s'être réveillé, ouais. Oh. C'est ça. C'est le fun. Pas super, hein? Ben, c'est pas grave, il y a pire que ça dans la vie. Hein? Ouais. Mais il y a plus le fun aussi. Il y a plus le fun aussi, comme mettons, on parlait des activités de la Jequiterie. AGEQTRE, AGEQTRE, AGEUQTA. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEUQTA parce que l'AGEUQTA, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Donc, AGEUQTR, Jasmine. Qu'est-ce qui se passe à l'AGE cette semaine? Parce que c'est la grosse assemblée générale la semaine passée. Là. Oui. Ouais. Ben oui, c'est la. C'est ça. Ben c'est ça. Ben oui, c'est l'Assemblée générale. Ça s'est bien passé. On a eu le double du quorum de l'an passé. Pour un bout. Ouais, pour un bout. Parce que lorsque ça a été la fin de la levée de cours, en fait. Les gens sont retournés à leur cours. Beaucoup de gens qui ont quitté. Voilà. Donc, il va y avoir une autre assemblée pour. Ben, il va falloir terminer cette assemblée générale-là. Vous avez le droit de recommencer où elle était rendue? Ben, il faut, en fait, parce que puisqu'on a perdu le quorum, ben, il faut finir la réunion. Parfait. Faut la finir. Il restait pas beaucoup de points, puis, donc. Y a-tu un temps limite pour. Non, y a rien. Y a absolument rien dans nos statuts règlements qui régit là, ça, une perte de quorum lors d'une assemblée générale. Donc. Donc n'importe quand d'ici à la prochaine assemblée générale annuelle. Oui, mais en fait. Oui, c'est ça. Puis le conseil exécutif là, va essayer de trouver le moment qui est le plus approprié là, pour terminer cette réunion-là. Parfait. Faut comprendre aussi, c'est qu'on n'aura pas une autre levée de cours. C'est ce que j'allais dire. C'est ça aussi. Fait que ça rend la chose un peu plus difficile pour Jasmine d'organiser tout ça. Ben, voilà. Puis le conseil exécutif. C'est ça. Donc, c'est assurément pas cet automne, mais. Ça risque très fortement d'être cet hiver. Puis voilà. Bon, on va tenir les étudiants au courant. Ben dans ta chronique, hein, évidemment. Ben oui. Ben oui. Ben, puis partout aussi. Oui. Voilà. Mais pas partout. Mais surtout la chronique. Dans les moyens de communication dont on dispose. Oui. Voilà. Donc, plus. Je trouve pas le mot. Si on y va dans l'ordre temporel. On va y aller dans l'ordre chronologique des choses. Donc, c'est midi à la Chasse-Galerie, à midi. Et on reçoit Robert Aubin, qui est le député du NPD dans la circonscription de Trois-Rivières au fédéral, puisque le NPD est un parti au fédéral. Pas encore au provincial, donc ça, c'est pour tribune libre. Oui, c'est en plein ça. Okay. Donc, M. Aubin va venir nous entretenir de politique fédérale, bien évidemment. Donc, les étudiants sont invités à venir le rencontrer. C'est un monsieur qui est super gentil. Là, donc il c'est fun comme formule. Ouais, sérieusement, là, j'avais vu Denis Coderre. L'année passée? Oui, bien en fait, pour les étudiants qui sont pas au courant de c'est quoi Tribune Libre, c'est qu'on reçoit quelqu'un du milieu politique là, bien souvent qui vient à la Chasse-Galerie, donc sous forme de petites conférences, discussions. Là, je sais que l'année passée. Très relax aussi. Ben, l'année passée, Robert Aubin était venu, puis lui, il était pas à l'aise avec le fait d'être en avant sur la scène, tout ça. Donc lui, il était venu s'asseoir avec, avec les gens qui étaient là pour vraiment en rond là, pour discuter avec eux. OK, c'est lui qui avait décidé, je crois, que c'était la nouvelle formule. Non, c'est lui qui avait décidé ça parce qu'il. Il aimait pas ça, il trouvait ça trop impersonnel. Donc, on imagine que ça va encore se dérouler comme ça ce midi. Donc, venez lui poser vos questions. Il va lui répondre avec grand plaisir, puisque, comme je l'ai dit, c'est un monsieur qui est très gentil. Parfait. Jasmine, est-ce que tu me laisses compléter? Mais oui, vas-y. C'est important de préciser que c'est complètement gratuit. Vous avez juste à vous présenter à la Chasse-Galerie avec votre dîner, puis venez lui poser des questions. Venez manger le sandwich de la chasse. Là, ouais, oui, si. Ben oui. Ça, venez manger, écouter une conférence complètement gratuite. Vous allez vous instruire en plus. Tu sais, on est à l'université, c'est le fun. Puis ceux qui pensent encore que c'est Robin Aubert de Radio Enfer, non, c'est Robert Aubin. C'est pas encore fini, les gens pensent encore ça. C'est pas Léo, là. Non. Pas Léo. Non. C'est le fun d'avoir Léo à la tribune, par contre. Ben oui, mais. Pensez-y. Léo, mais Robert Aubin aussi, c'est le fun. Ben oui, je sais pas. Ben oui. Ben oui. On y pensera. Le plaisir hein? n'arrête pas. Est-ce que c'est une demande officielle que tu nous fais, Mathieu? Tellement. C'est tellement vrai, ouais. Il va se demander pourquoi on l'invite. Ben, c'est juste parce que tes lettres de non fit avec Robert Aubin, puis on l'a reçu, tu sais. Voilà. Donc, est-ce que t'avais autre chose à ajouter? Je pense que tout est là. Tu fais tellement bien ça, Jasmine. Mais c'est midi, à midi. Parce que, tu sais, le midi, c'est pas toujours à midi. Non, non. À midi, à la Chasse-Galerie, Robert Aubin. Donc, voilà. Soyez-y. Ouais. Hein? Cool. Puis, arrivez tôt si vous voulez avoir une petite place assise, là. Puis, les sandwichs, il n'y en a pas des tonnes non plus. Non. Ouais. Les meilleurs partent tout le temps en premier, hein, comme les humains. Bien dit. Tu laisses cette phrase poche, là. En tout cas. Bon, ensuite, jeudi le 11 octobre, donc jeudi de cette semaine, dans le cadre de la Coupe des associations, il va y avoir une activité militaire. Oh. Donc, on peut pas vous en dire plus, à part que c'est inspiré de l'émission Minute to Win It. Ah, donc, avec Guy Fieri et ses cheveux en pile. Ça. Donc, ça va être c'est 7 activités, 7 défis. Donc, qui durent approximativement une minute chacun. Là. Genre. C'est ça. Donc, on. Cette activité, on vous dit pas lesquelles. C'est cool, ça. C'est ouais, le fun. Puis en fait, il n'y a pas d'inscription, fait que c'est super le fun. Les gens peuvent décider 5 minutes avant de venir. Là. C'est au 10-12 à 20h. Ça va durer à peu près une heure et demie, là, tout dépendant du nombre d'associations étudiantes qu'il va y avoir. Donc, n'importe qui peut venir. J'espère que l'animateur va être déguisé avec les cheveux blonds bleachés. On va lui suggérer. C'est ça. Oui. Mais je pense que c'est préférable d'être deux pour l'activité parce que je pense que pour certaines. Oui. Non, c'est ça, mais venez encourager. Mais sinon, il n'y a pas d'inscriptions qui sont requises. Là, vous venez, vous pouvez décider sur place là, qui va participer. Puis, Il n'y a pas $1 million à gagner. Non, mais toute la reconnaissance du monde. Hein? Ouais, ça, c'est le fun. Des points, pour ton assaut. Mais il y a des points aussi à midi pour Tribune Libre pour la Coupe des assauts. Pour vrai? Quoi, comment participation? Ça va? Oui, participation. Voilà. Cool. Donc, plein de points cette semaine. C'est ça. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les activités jeudi soir, rendez-vous au 10-12 à 20h. Oui. Voilà. Et ensuite, lundi, j'ai un roulement de tambour, quelque chose, c'est assez énervant. François, roulez. Angélie, roule. Oui. Donc, OK, c'est assez, bien, c'est assez, je m'entends plus. Regarde pas sur ma feuille. je vais remonter mon. Bon, voilà. Donc, installe-toi confortablement. Elle a encore son foulard et son manteau d'hiver. Oui. Donc, lundi prochain, donc le 15 octobre, ça va être la première pelletée de terre pour lancer la construction, pour lancer l'agrandissement du pavillon Néré-Beauchemin pour ce qui va être le pavillon à la vie étudiante de la GEQTR. Et l'heure a été changée. Oui, c'était supposé être 15h30, mais Monsieur le maire, il y a un conseil des villes le soir, puis... Ça a été changé pour que M. le maire puisse être présent. Donc, ça va être à 14h45. Est-ce qu'il va y avoir des gros ciseaux et un ruban rouge? Non, ça, c'est pour l'inauguration. OK, parfait. Qui devrait être au mois de mars. Il va y avoir des cases blanches. C'est ça. Fait qu'on pèle de la terre pour le lancement de la construction du pavillon à la vie étudiante qu'on attend depuis des années. Beaucoup trop longtemps. Beaucoup d'années. Six ans. C'est ça. Beaucoup de conseils exécutifs qui ont travaillé là-dessus. Donc, ils ont travaillé là-dessus au sous-sol du Pierre Boucher, évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, fait qu'on invite vraiment tous les étudiants, toute la communauté étudiante là, à être présente, mais particulièrement les étudiants, puisque ça va être leur pavillon. C'est eux qui attendent depuis longtemps, parce que les étudiants qui sont là depuis très longtemps et qui doivent l'attendre. Donc, en fait, la construction va commencer. Et puis, en fait, les étudiants vont pouvoir rentrer dans quand? C'est prévu pour le mois de mars. On n'a pas de date précise, mais c'est prévu. Long, okay. La construction va se faire cet hiver, là, si tout va comme prévu. Là. Ouais. Puis, ça devrait être inauguré au mois de mars. On va pouvoir... Donc, en septembre, pleinement fonctionnel. Oui. Cool. Tout à fait. Super. Donc, c'est à 14h45. C'est dans le... Le stationnement du Néré-Beauchemin, proche du couloir de sécurité. Oui. La pastorale, la galerie d'art, la chapelle, tout ça. Là. Donc, c'est dans le stationnement qui est avant ça, là, devant les petites haies de cèdre. C'est devant nos bureaux, je pense. Hein? Oh, ouais. Parce que notre fenêtre, elle passe proche de la grue assez fréquemment de ces temps-ci. C'est ça. Wow! Donc, c'est là, c'est à 14h45. Je le répète, soyez là parce qu'on l'attend depuis longtemps, ce pavillon-là. Puis c'est pour les étudiants, donc on veut vraiment que le plus d'entre eux soient là. Voilà. C'est eux qui le payent aussi à partir de cotisations étudiantes. Dans tous les sens du terme. C'est juste pas eux qui le construisent, mais non, ils payent beaucoup. Pas ambitionné non plus. Là. Donc, c'est lundi prochain. Super. C'est ça. Good. C'est assez. On est rendu à lundi. Je reviens mercredi prochain de toute façon. Parfait. Hein? On aime ça. Tu me tiens au courant. C'est le fun. Ouais. La Jacquetterie. J'essaie de Raymond Révèle. Donc, la Jacquetterie. Fait que je peux faire un petit récapitulatif, là. Oui, vas-y. C'est midi, Tribune Libre, Robert Aubin, Chasse-Galerie, à midi. Gratuit. Après ça, jeudi soir, activité mystère dans le cadre de la Coupe des associations. 7 défis d'environ une minute. C'est ça. Puis lundi prochain, 14h45, dans le stationnement du pavillon Néré-Beauchemin. Une petite pelletée de terre. Première pelletée de terre pour le pavillon à la vie étudiante de l'AGE-UQTR. Merveilleux! On aime ça, le petit récapitulatif. Enfin, c'est le fun. Merci, Jasmine. Fait plaisir. Raymond Réville, chronique AGE-UQTR. C'est mercredi prochain. Tout à mardi à chaque fois. Mercredi prochain, 8h. Ouais. Dans quelques minutes, on aura la chronique de Maxime Bilodeau. Chronique culture sportive, mais pour l'instant, voici Passion Pit et la pièce. Et on change de pièce, on l'a déjà entendu celle-ci, on n'entendra pas la pièce du palmarès Take a Walk. À la place, voici I'll Be Alright. Assemblage requis sur ses fous! J'ai mis ma maison dans mon sac. Je suis en piste, je vise en vol. Je m'arrêterai si je croise un petit chac. Je marque les amarres, je coupe les ponts du fond du vent. Monte le cri, partir, partir, je suis en vie. Car moi je sais que j'ai ce qu'il faut. Je pars s'enfuir toujours plus haut. La tête haute, le vent dans le dos. En vers mon Eldorado. Madame Moustaché, Maison Mobile. Ah, son blase de fille. Wow! Ah, j'aime ça, cette fin-là. J'aime cette chanson-là. Madame Moustache est toujours excellente sur le palmarès francophone. On aime ça. Ouais. Dans quelques secondes, on va l'entendre Dumas avec l'heure et l'endroit. Le temps de vous dire que dans quelques secondes, on va parler d'obésité avec Maxime Bilodeau. Je sais qu'il va nous parler, là, vraiment, il va nous faire un tour d'horizon sur la problématique de l'embonpoint. Je sais que c'est... entre autres, on mange mal. Entre autres, on fait pas d'exercice. Mais il dit qu'il y a pas juste ça. Il y a d'autres choses aussi. Il y a un paquet de facteurs, je pense. Ouais. On va voir. Mais pour l'instant, Dumas, l'heure et l'endroit. C'est fou.

liars, liar brothers, end of love. Wiping out the integrity, losing out the priority. By the grace of caste, updated by the clash. All in Sunni prosperity, all in Sunni tragedy. Religious irony, prime time on TV. Jackals, data by some others, bata. Taking advantage of somebody else's smashed up. So stand up to reality, stand up for morality. To the rays of love and the disgrace of. So stand up to reality, stand up for morality. To the rays of love and the disgrace of. Out of control, we are getting out of control. Love is a crime, acid is a lime. Criminal liars, victim of savior. Money, profit, kills. Everybody got his own thrill. So hopeless I felt and loveless I left. For absolutely nothing is another one you fucking. For you I wrote this beautiful song about how love and hope I've gone. And I will kill your fame, you loveless king. Like a whirlwind, no spring, believe it. Like a whirlwind, no spring, I mean it. C'est Out of Control à Assemblage Requis. C'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui, François-Olivier. Oui, Mathieu. Est-ce qu'on remercie nos jolis invités? Tout à fait. Comment on ça va? On va le faire dans l'ordre, oui. Oui? On va le faire dans l'ordre. OK. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre? Quel ordre? Ben, l'ordre de leur présence dans l'émission. OK. Donc, on commence par maintenant, on recule ça. Non, on commence au début. OK. Parfait. On a commencé avec Anne-Julie Durocher et sa chronique sur l'index, ses coups de cœur ou coups de masse, ça dépend. Tout à fait. Coup de 5. Tout à fait. Ouais, sur de l'allaitement ce matin. Et on a reçu aussi Jasmine Raymond-Drainville qui nous a parlé de la GEQTR. Et Maxime Bilodeau avec sa chronique qui vient tout juste de faire sur l'obésité. On remercie tout ce beau monde-là et on se retrouve demain entre 7h et 9h. Demain à l'émission, on aura François Landry. François Landry. Chronique politique. Chronique politique. C'est un classique, mais on aime ça. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas encore de quoi ils veulent parler. Moi non plus. Peut-être la commission Charbonneau, d'ailleurs, qui sort des gros scoops présentement. Ah, c'est là que ça se fait, ça. C'est pas mal, là. Ça avait commencé un peu la semaine dernière, mais là... Quand même. On lui en parle demain. Il y aura aussi la chronique Sex Smith, ça devrait pas. On l'a dans l'émission de demain entre 7h et 9h. Restez à l'écoute entre 11h et 13h. Ce sera le Dîner de cons avec Danny Janvier, suivi des filles de Connaître Ensemble, le magazine sur la périnatalité. Ensuite, les émissions que vous avez ratées depuis les 7 derniers jours. Le Voyage insolite, album classique, l'examen final et électro-tactile. Plus tard en soirée à 21h, c'est Psy-TR, l'émission de Trance. Et à 22h, le Transformer, donc deux émissions d'électronique Trance. Voilà pour ça, allez voir le cif.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. On se quitte comme ça, c'est pas de musique, juste bye. Ça. Bye. Ciao. Moi, je garde la photo de Maë Paiement. Ben oui, moi aussi. Elle est devant moi. Elle est fine. Pas Maë Paiement, Anne-Julie. Ouais. Maë aussi, elle a l'air gentille. Ouais. C'est le fun de voir ça à la radio. Ouais. Bye.